t'entraîne dans la non-connaissance, dans l'aventure frénétique, dans la haine et l'amour le plus total et le plus désintéressé, dans les profondeurs ténébreuses et frôlées de ta cervelle, avec une superbe royauté. C'est ainsi que la poésie est devenue reine de ma vie. Je ne sais plus très bien pourquoi je parle, ni même ce que je dis. Ça s'évapore à l'air. Une pluie de gaz dans la bière au bistrot du coin où on rencontre les hommes qui sentent la bière. Je ne sais plus si la poésie est en moi ou en dehors de moi, ni à quel endroit. Ce que je sais, c'est qu'elle m'anime au tréfonds. L'ornière, le bulbe, la déglutition œsophagique, avec la fascination de la peur.